بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، فهذا درسنا 43 في كتاب المورد العذب الزلال، ونحن في المجال في الحديث، ولا زلنا في الحديث عن جماعة التبليغ. دونك فرعون الله عز وجل سي نوتخو 43 كور دون لا سورس ديليسيوز اي ابوندونت لو ليفر ديال الشيخ النجمي حفظه الله رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته. نو سوم دون الباساج، نو زافون انتامي لو باساج كي نو بارل دو جماعة التبليغ. فكثير من الناس الآن يقولون: ألم ينتشر الإسلام في أوروبا وأمريكا بسبب التبليغيين؟ الجواب نعم، لكن ماذا عند هذه الجماعة وماذا نشرت؟ إن هذه الجماعة تحمل إسلاما مشوها بالبدع، ولو نظرتنا إليه بدلائل الصدق من الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة لأنكرته وأنكرت عليهم. فلذلك فإن المستعمر البريطاني للهند سمح بنشأتها وشجعها. لماذا؟ والغرب وحكام الغرب لا يخشون من انتشار هذه الجماعة وانتشار الإسلام التبليغي، بل يشجعونه ويدعمونه، لأنهم يعلمون أنه أفيون الشعوب. ولذلك لا تعجب إذا علمت أن هنديا إذا أراد الحج دفع طلبه، ربما لا يحصل على رخصة الذهاب إلى الحج إلا بعد 20 سنة. وتساءل لماذا التبليغيون يخرجون بسهولة حتى إلى بلاد اليهود ويدخلون إليها بسهولة، وهم يتبجحون ويقولون أن هذه كرامة. فإن الله عز وجل certains ont voient ce genre d'ambiguïté. L'islam ne s'est-il pas propagé en Europe et aux États-Unis? Les mosquées qu'il y a à travers l'Europe et les États-Unis sont-elles pas le fruit des fruits des efforts de Jama'at Tabligh? La réponse peut être oui, mais qu'est-ce qu'il a ce groupe? Qu'est-ce qu'il a propagé comme islam ce groupe? L'islam de ce groupe est un islam qui est imprégné d'innovation. Et réfléchissez bien, le colonisateur britannique, quand il était en Angleterre, pourquoi il a autorisé la naissance de Jama'at Tabligh et aussi en même temps la naissance d'Al-Qadianiya? Pourquoi? Il faut y penser. Alors que la Grande-Bretagne, c'est pas, il aime pas l'islam. Pourquoi les Occidentaux en général et les gouverneurs des pays occidentaux européens ne craignent rien de l'islam tablighi et du mouvement tablighi? Au contraire, directement ou indirectement, ils l'encouragent. Parce qu'ils savent quelque part que cette forme d'islam, cette forme, c'est l'opium du peuple. Et c'est pour ça, ne t'étonne pas quand tu sais, par exemple, un hindou, quand il veut faire son pèlerinage, des fois il pose sa demande, il a l'autorisation au bout de 20 ans. Mais les tabliriers, ils ont les passeports et ils sortent facilement d'Inde, même pour aller dans l'État hébreu. Et des fois même, certains, j'en ai rencontré, qui sont partis d'ici pour faire leur jaoula en État hébreu, ils disent que ça, c'est une karama min Allah, subhanahu wa ta'ala, que c'est une quelque chose avec lequel Allah, subhanahu wa ta'ala, les comble. الواجب علينا أن نتساءل لماذا أوروبا والمستعمر البريطاني عندما كان في الهند رخص وشجع نشأة هذه الجماعة. وفعلنا الله عز وجل nous devons poser la question différemment. C'est que pourquoi le colonisateur anglais a encouragé la naissance de ce groupe. Il l'a laissé apparaître. Et pourquoi en Occident, les Européens laissent ce mouvement agir sans problème ? مع أنهم في المقابل هذه الدول تحارب بعنف مراكز الإصلاح التي قامت على الدعوة السلفية وعلى الحق. Alors que, en contrepartie, ce genre de pays, directement ou indirectement, ils font la guerre à la da'wa salafia. Ils encouragent la tabliriya d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Il faut se poser cette question. La réponse est simple. Intishar tabliriya kafilun biqatli da'wati al-haq wa shalli harakatiha wa ib'adi al-muslimin an nour al-islam وعن حقيقة الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. فهنا الله عز وجل la réponse est simple. Le fait que le tablir soit propagé, il est à même de faire la guerre à l'islam authentique et à la voie du salaf et à l'handicapé et à éloigner les musulmans de la lumière et de la vérité de l'islam sur laquelle était Mohammed et ses nobles compagnons et ceux qui les suivent à la perfection. فأخ الإسلام نحن لا زلنا في صدد الكلام عن الأصول الستة أو الصفات الستة كما يقولون وعلى هذه الصفات الولاء والبراء وحتى اختيار الأئمة أئمة المساجد يكون على هذه الستة. مرة في زيارة لصهري في وهو إمام كان إماما في مركزهم بالشمال بشمال فرنسا أتاه أحد قدمائهم وقال له ألا تعرف إماما عنده ستين وستة ستين ستين حزب معلوم ولكن ستة ماذا تفعل هنا ستة ست صفات هكذا بهذا يختارون أئمتهم. Donc nous sommes toujours à voir à étudier les six fondements de la Jama'a Tabligh ou comme ils les appellent maintenant les six caractéristiques ou les six attributs de la Sahaba comme ils les appellent. Et il faut savoir que ces six fondements ou les six attributs sont très importants chez Tabligh. À tel point que l'alliance, il dit à vous, se fait pour ces sifats. À tel point, même le choix de l'imam se fait pour ces six sifats. Lors d'une visite à mon beau-père, alors qu'il était imam encore, dans leur centre au nord de la France, j'étais en train de discuter avec lui, et tout d'un coup, il y a l'un de leurs anciens qui arrive et qui dit à mon beau-père, on a besoin d'un imam, mais on voit un imam qui a 66, qui a 66. 60, c'est compréhensible, ce sont les 60 hizb dit le Coran. Et les 6, tu sais ce que c'est, frère en Allah, ce sont les 6 fondements. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit tabliri. Il faut qu'il ait le Coran et qu'il soit tabliri. Voici Akhal Islam. Et je l'ai entendu avec mes propres oreilles. Et j'étais là présent. Et ce grand tabliri s'est rendu compte qu'il a fait une gaffe parce qu'il m'a regardé après. Et il s'est rendu compte qu'il a fait une gaffe, qu'il aurait dû pas parler comme ça devant moi. والبارحة تكلمنا شيئا قليلا عن لا إله عن صفة عن الكلمة الطيبة وعن الصلاة ذات الخشوع، واليوم نتكلم عن ما يسمونه بالعلم مع الذكر. فنعلم كذلك أنه في الصلاة نحن قلنا أنهم لا يهتمون بالفقه في الصلاة، يكثرون من النوافل، نعم، ها، حتى أنهم يقومون الليل كذلك إذا كانوا في المساجد ويقومونه جماعة، حتى أنهم يقومون صلاة الضحى جماعة، وهذا رأيته بأم عيني في سويسرا من جماعة من الشباب، وكان أميرهم هذا من مارسيليا، ها، وكانوا كل صباح يقدمون أحدهم للصلاة كإمام في صلاة الضحى. Donc hier nous avons parlé de la prière avec dévotion, concentration comme ils disent, mais nous avons vu, hein, que ils ne s'occupent pas de la jurisprudence et de compter tous les points pour maîtriser la prière et pour faire une prière qui correspond à la prière du prophète. Et même ils vont très loin, ils font beaucoup de nawafil, ils font même qiyam al-layl quand ils sont en sortie, etc. Il faut même qiyam al-layl, ils le font en groupe, alors qu'il n'est autorisé de faire qiyam al-layl en groupe qu'à quel moment? Qu'au mois de Ramadan. J'ai même vu en Suisse une fois des jeunes durant leur sortie dans une mosquée à faire, hein, la prière du salat Doha en groupe, et chaque jour l'émir mettait un autre jeune pour présider cette prière. Et cet émir, il était de Marseille, un des grands de Marseille. فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فتو vois que dans les adorations, tu vois, il te ramène des choses sur lesquelles étaient pas les plus heureux de Allah alayhim. Et ceci n'est pas étonnant quand tu sais que Cheikh Younes, lors de sa visite à Banyol, hein, il a juré par Allah trois fois que si même un acte est bon et que le prophète ne l'a pas fait, il faut le faire. Hein? Et je prends la responsabilité de ce que je dis. Je sais que demain je serai devant Allah Azza wa Jal, il me sera demandé des comptes sur ce que je dis. Je prends ma responsabilité à l'islam. L'an ma'a, l'ilm ma'a dhikr. L'ilm ma'a dhikr, l'islam, qu'ultu lak l'bariha, annahu fi sana allati ahtalaqat fiha minan, kan yuwazza' kitab, الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تحفة الإخوان في أجوبة تتعلق بأركان الإسلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وبعض السعوديين أعطاني كمية كثيرة، وكنت في السكن في مكة ووزعوا على الإخوة، وأتى شيخ من مشائخ التبليغيين في فرنسا وهو الشيخ وسام اللبناني لزيارة أحد أكابرهم في العمارة، وكنت قربهم فأعطيته الكتاب، فجلست قليلا وعندما أراد الداب وضع الكتاب على جنبه ونظر إلى العنوان وفر وذهب ولم يأخذ الكتاب معه، مع أنه كتاب إمام من أئمة السنة وعالم جليل. كون الله عز وجل maintenant nous sommes avec la troisième sifa, ou le troisième fondement, qui est le fait de s'occuper la science avec l'invocation. Mais ils disent la science des vertus, et non pas la science des points de la jurisprudence et des sujets de la jurisprudence, avec l'invocation, avec dhikr. Et je t'ai raconté hier, frère Allah Azza wa Jal, le fait que lors de l'année où Minan a brûlé, où les tentes à Minan a brûlé, il y avait des jeunes qui distribuaient un livre qui s'appelle Tuhfat al-Ikhwan, dont la réponse sur certains piliers de l'islam, qui est un certain recueil de fatwa du Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. C'est un homme de science. Et dans l'immeuble où j'habitais, un jour, il y a l'un de leurs grands chouyours, qui est Wissam, le Libanais, qui est venu rendre visite à l'un de leurs grands chouyours marocains du nord de la France. Et je leur ai donné le livre. Et j'ai observé, il était assis, il parlait, et qu'une fois qu'il a terminé sa visite avec le grand cheikh du Maroc, là, il a regardé, il a jeté un titre sur le livre, il l'a jeté par terre et il est parti. Il l'a laissé. Pourtant, cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Hein? Et Cheikh Wissam sait parler l'arabe et sait lire. Et c'est un c'est, on dit que c'est l'intellectuel du groupe. Regardez un petit peu. كذلك إخوة الإسلام لا نغتر بهذه الصفات لأنهم لا يتركون الوقت للمنخرط معهم في التعلم فهم يشغلون أوقاته حتى لا يتعلم شيء. Il faut pas aussi se faire avoir, frère en Allah, Azza wa Jal, par ces fondements de l'Jama'a. Ce sont des titres, ils sont très beaux. Ils attirent, mais ils préoccupent. Ils ont tellement de tâches à leurs disciples qu'ils n'ont pas le temps à apprendre. فالعلم مع الذكر مع أن التبليغيون يحاربون العلم الشرعي حربا غير معلنة ولهم في ذلك وسائل خبيثة منها. La science avec l'invocation, alors que tabligh'iyin, ils font la guerre à la science de la législation, une guerre déguisée, une guerre non déclarée, avec plusieurs moyens. Fait partie de ces moyens, أولاً تقسيمهم للعلم إلى علم المسائل وعلم الفضائل. فيهربون من علم المسائل وهو علم التوحيد والفقه لأن هذا العلم للعلماء. يقولون أن هذا العلم للعلماء ومن أراده من الخارجين فليطلبه من علماء بلده ويعتقدون أن هذا العلم يصرف الإنسان عن العمل ويورث النفر والاختلاف ويزعمون أنه مبني على القيل والقال منهي عنه المبطئ للعمل. هذا بخير من الله عز وجل. Le premier point avec lequel il détourne de la science, c'est quand il divise la science en deux. La science des sujets de la jurisprudence et de la religion, et la science des vertus. Ils se sauvent, ils se détournent de la science des sujets de la religion qui sont la science du monothéisme et de la jurisprudence, et le fait de verser dans la science de la religion, et ils disent ceci, c'est pour les hommes de science. Cette science, qui est la science des de la jurisprudence et de la compréhension de la religion, ceci est réservé aux hommes de science. Et celui qui le veut parmi ceux qui sortent, il doit le demander aux hommes de science de son pays. Et il croit que cette science, qui est la science du sujet de la religion, détourne les gens de l'œuvre et fait hériter chez les gens la divergence. Et ils prétendent que cette science, elle est basée sur, ils ont dit, nous avons dit, etc., ce qui est interdit et ce qui empêche la personne de mettre en application. أما علم الفضائل الذي يتبجحون به فيتساهلون فيه فيسوقون الأحاديث الضعيفة والتي لا أصلها والموضوع والخرافات والخزعبلات الصوفية والرؤى والتجارب. Quant à cette science des vertus à laquelle ils invitent et vers laquelle ils appellent, ils sont négligents à ce niveau-là. Parce qu'ils ramènent beaucoup de hadiths da'if, beaucoup de hadiths inventés, beaucoup d'histoires à dormir debout, beaucoup d'histoires de soufis, beaucoup de rêves et beaucoup de choses qui sont basées seulement sur l'expérience. والكثير منهم يقول مسوغا للأحاديث الضعيفة يقول أن بعض العلم يرى يجوز ذكر الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ونحوها دون أن يعرفوا شروط أهل العلم القائلين بهذه القاعدة وهي ثلاث شروط مهمة: أن لا يكون ضعف الحديث شديدا بل فقط يسير الضعف، أن يكون لمعنى الحديث أصل ثابت في أحاديث صحيحة وحسنة بحيث يندرج هذا الضعف اليسير هذا الضعيف اليسير تحت الأصل الصحيح. كذلك لا يجزم القائل بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بل يقال يروى ونحوه من الألفاظ ودون اعتقاد ثبوت ذلك عنه جزما. وكل هذه الشروط فيما يتعلق بفضائل الأعمال ونحوها مما لا يثبت أحكاما ولا اعتقادات ولا غيبيات. فهنا الله عز وجل beaucoup parmi eux et même certains communs parmi les musulmans répètent cette parole. Ils disent que certains hommes de science autorisent le fait de mettre en application les hadiths faibles dans les actes vertueux et autres, sans qu'ils connaissent les conditions des hommes de science qui mettent en application cette règle. Et ces conditions sont au nombre de trois. Ils sont très importants. Il faut les connaître. C'est que, premièrement, le hadith ne doit pas être d'une grande faiblesse. Il doit être léger dans sa faiblesse. Deuxièmement, c'est que le sens du hadith doit être contenu dans un hadith hassan ou un hadith sahih. Du fait que ce hadith rentre sous une origine qui est authentique déjà ou qui est hassan. Troisièmement, il ne faut pas dire, il ne faut pas attribuer ce hadith au prophète alayhi salatu wassalam, mais il faut dire, on dit du prophète alayhi salatu wassalam. On ne dit pas que le prophète a dit. Pour qu'on ne fasse pas croire aux gens que ce hadith, il a été dit par le prophète alayhi salatu wassalam. Et toutes ces conditions, ça ne concerne pas tout simplement les hadiths faibles pour les vertus, pour les actes vertueux. Mais ça concerne aussi les lois et les croyances et le monde invisible, etc. Donc, et ces conditions, les hommes de science les ont émis pour les hadiths qui n'instaurent pas un acte ou du hadith duquel ne découle pas une sentence ou une croyance ou quelque chose qui concerne l'invisible. ومع كل هذه الشروط الشديدة عند من يقول بهذه القاعدة فإنها قاعدة مرجوحة والراجح بخلافها إذ الكل شرع ودين العقائد والأحكام والفضائل ومن ادعى التفريق لزمه الدليل ولا دليل فتعين الاقتصار على ما صح وثبت بالأسانيد المعتمدة من حسن وحسن دون غيره. Donc, et malgré toutes ces conditions qui sont très fortes chez ceux qui voient la mise en application de cette règle, cette règle, elle est pour une grande partie d'hommes de science non avenante. Car toute la législation, que ce soit l'aqaïd, les croyances, ou les sentences, ou les vertus, font partie de la religion. Et celui qui prétend faire la différence entre tout ceci, il a à ramener une preuve. Il n'y a pas de preuve. Mais il faut, tout simplement, en ce qui concerne la religion, se contenir tout simplement à ce qui est authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Et est-ce que maintenant, posons-nous la question, est-ce que maintenant la communauté a mis en application tout ce qui a été avenant du prophète alayhi salatu wassalam et tout ce qui est authentique pour aller mettre en application da'if il mawdou'? Fa mashayikh wa qudama at-tabligh khashaw أن يطلب بعض الخارجين علم المسائل عند علماء بلدهم لأنهم يعلمون أن هذا الشاب إذا تعلم تركهم حينما يرى العجب العجاب في عقائدهم وسلوكهم ودعوتهم ولذلك شغلوا وقت الخارجين معهم لكي لا يجدوا وقتا لطلب العلم ولا للتعلم وحتى جعلوا له برنامجا عندما لا يكون في الخروج حتى لا يكون لهم وقت للاشتغال بعلم المسائل وبعلم الشريعة فنسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. Donc les grands, les mashayikh ديال التبليغ et les anciens, et ceux qui sont à la tête ديال الشورى, leurs assises, etc., ils ont peur que leurs disciples et leurs sympathisants demande la science de la jurisprudence et de la législation d'Allah Azza wa Jal, c'est le savant de leur pays. Donc il ne leur laisse pas le temps. Parce que s'il leur laisse le temps, ils vont se détourner d'eux. Quand ils vont comprendre, quand ils vont apprendre la réelle aqidah, et quand ils vont voir la situation de leur groupe, et sur quoi est basé le groupe, ils vont se sauver d'eux. C'est pour ça qu'ils remplissent leur temps, ils occupent leur temps, que ce soit en khourouj ou là en dehors de khourouj. وهذه طريقة التنفيذ عندهم كما نقلها من عاش معهم في صفوفهم وعرفهم كما يعرف الرجل أبناءه ودافع عنهم قبل أن تنكشف له الحقيقة المرة التي حجبت عنه وعن أمثاله من أهل التوحيد حجبت عنه وعن أمثاله من أهل التوحيد سنين عددا. وهذا الشيخ سعد الحصين Donc, voici maintenant un exemple. Comment ils vont faire pour détourner la personne de la science? Comme le rapportent ceux qui ont vu qu'avec plusieurs années, ils étaient leurs lieutenants. Ils les ont même défendus, c'est les hommes de science. Saad al-Hassin était avec eux. Il a écrit un livre sur eux. Et il est le délégué religieux maintenant dans l'une des ambassades de l'Arabie Saoudite là-bas en Jordanie. Et il était avec eux. Et avant qu'ils connaissent la réalité de ce groupe, ils les défendaient, c'est le grand Machaïr. Et voici comment ils arrivent à jeter un voile entre leur réalité et leur vérité, même pour ceux qui sont des gens du monothéisme. Qu'ils arrivent à les aveugler et à mettre un voile entre eux et la vérité. جاء في كتابه رحمه الله يجتمع الدعاة ومن استجاب لهم ليلة العطلة الأسبوعية في المركز في المسجد الذي هو المركز ويقوم واحد منهم سبق اختياره في اجتماع الشورى الأسبوعي بوعظهم وتحريك الإيمان في قلوبهم بالآيات والأحاديث والقصص وفي النهاية مطالبتهم بتفريغ بعض أوقاتهم لدين الله بعيدا عن مشاغل دنياهم ويسجل المستجيبون ليتم توزيعهم في وقت لاحق جماعات على الأحياء والقرى والمدن القريبة والبعيدة كل بحسب جهده وماله ووقته وفراغه. Donc voici comment ça se passe. Il dit que les douats, leurs prêcheurs qui ont répondu, les prêcheurs du groupe se réunissent la veille d'un week-end dans la mosquée qui est le merkez, qui est le centre en général. Parce qu'il y a plusieurs mosquées, il y a une qui est centrale dans une ville. Et un d'eux a été choisi dans la concentration hebdomadaire, dans Shura hebdomadaire, va se lever, il va essayer de faire remuer un petit peu leur foi avec des versets, avec des hadiths, des fois beaucoup de hadiths faibles et avec des histoires à dormir debout. Et à la fin, il va leur demander qui est prêt à sortir, qui est prêt à libérer de son temps pour Allah Azza wa Jal, qui est prêt à s'éloigner à laps de temps de toutes les préoccupations de ce bas monde. Et ils vont s'inscrire, chacun selon le temps, selon ses moyens et selon le temps qu'il a. Pour après partir dans différentes villes, ou là, différents villages, ou là, dans d'autres quartiers. Wa yatim i'tikaf afrad al-jama'a wa man istajaba lahum baqiyat al-layl fi al-masjid. Wa fi al-sabah, ahad al-qudama' fi al-kharijin yaqum bima yusamma fi istilahihim al-hidayat. Wa ta'ni at-tawjih ila ikhlas an-niyya fi khurujihim lillahi subhanahu wa ta'ala. والتقيد بآداب الدعوة وآداب السفر وآداب الإقامة في المساجد. Et donc souvent, ils passent la nuit dans la mosquée. Tous ceux qui ont répondu à l'appel et qui se sont inscrits vont passer la nuit à la mosquée. Et le lendemain matin, après Salat al-Fajr, un des anciens, parmi ceux qui vont sortir, il a été désigné par le Mouchouara, il va s'occuper à faire les hidayats selon la terminologie du groupe. Les hidayats, ça veut dire les orientations et le fait de sortir avec une sincérité pour Allah Azza wa Jal, etc. Et le fait de se conditionner avec le comportement de la da'wa, le comportement du voyage, le comportement de la résidence dans les mosquées, etc. Même des fois, comme il s'est passé dans le Nord, et cette histoire, il est vrai, il raconte des histoires très douloureuses qui sont arrivées à certains parmi leurs anciens. Et c'est là aussi je la tiens de Din. Et quand j'ai raconté cette histoire pour la première fois dans notre Moussalla à Camus à la résidence universitaire au Nord, il y avait un jeune qui habitait dans le même village. Il m'a dit, moi je vois l'enfant qui est le fruit de cet acte. Je le vois et je le connais. Et pour avoir le cœur net et être sûr de l'histoire, j'ai posé la question à mon beau-père. J'ai dit, À qui s'est arrivée cette histoire dans ton entourage ici? Il m'a dit telle personne et tu la connais très bien. Et il te connaît très bien. Cette histoire, c'est que un de leurs Qudama, une fois, écoutez où est-ce que ça peut amener. Un de leurs Qudama, certains peuvent dire ça c'est un cas marginal, mais c'est arrivé. Hein? Une fois, il est sorti 40 jours avec sa femme, ce qu'ils appellent le Khuruj Jel Msturat. Comme si leurs femmes sont des Msturat et les femmes des autres musulmans ne sont pas Msturat. Et il a laissé un de ses garçons et ses enfants à la maison avec une grande fille et un grand garçon. Et ce grand garçon, je ne sais pas, qui lui a donné une cassette du Khmaj, là. Vous voyez un petit peu. Il a mis cette cassette. Et apparemment, sa sœur a vu aussi ce msekh. Et il y a eu un acte entre lui et sa sœur. Sa sœur est tombée enceinte. Après, il y a eu l'assistance sociale qui s'en est mêlée, plein de trucs. Et cet enfant est né. Et quand j'ai raconté cette histoire à mon beau-père, je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que ça s'est passé là? Et je lui ai donné le nom de la personne. Et je lui ai dit, j'ai essayé de lui demander qui c'est la personne. Il m'a dit, la personne, tu la connais, c'est telle personne, etc. Et lui, il te connaît aussi. Et ce jeune-là, qui était avec nous dans la Moussallah, il m'a dit, moi, je connais le petit qui est né de cet acte. Il m'a dit, tout le monde dans le village le connaît. Vous voyez un petit peu la négligence, le fait de laisser la maison et de sortir, qu'est-ce que ça peut amener, surtout quand nos enfants, on ne les a pas éduqués sur une aqida authentique, on ne les a pas éduqués sur une religion sûre, qu'on ne s'en est pas occupé. Voici où est-ce que ça amène. Et ce monsieur, je ne doute pas, c'est une personne âgée qui est bon en soi et qui a fait confiance à ce groupe, mais qui n'a pas laissé un pays où il n'a pas été. Le Bangladesh, le Sénégal, Evazinta. Et l'homme, il est bon. Mais regardez où est-ce que ça l'a amené, de négliger l'intérieur de la maison. Et cette histoire, il la raconte. Mon beau-père m'a dit qu'on la raconte dans les centres comme Hidayah. Tu dis que pour montrer que personne n'est épargné de l'épreuve. Subhanallah. ثم تجتمع كل جماعة التي ستخرج تجتمع كل جماعة خارجة بأميرها يوصيهم ويرشدهم ويجمع نفقتهم ويعين اثنان منهم لتحضير وسائل السفر. Et après tout ça, après l'hidayat, chaque émir va se rencontrer avec son groupe 10 ou 15 ou plus ou moins. Et il va commencer à leur faire des conseils, à les orienter et à prendre leurs dépenses. Ils vont commencer à mettre dans une caisse les dépenses des A pour 3 jours, etc. Et il va désigner deux pour préparer le pactage du voyage. وتبدأ أعمال الخروج فور ركوبهم وسيلة السفر وغالبا عندما يكون عوام معهم فيدعون دعاء السفر جماعيا ثم تبدأ قراءة القرآن 10 سور ها وبعد وصولهم للمسجد الذي عين لهم من قبل المركز وأداء تحية المسجد يجتمعون للشورى حول ترتيب عملهم وتوزيعه خلال 24 ساعة القادمة على الوظائف التالية. Et donc, après ça, vont commencer les actes du khuruj et les fonctions qu'on doit remplir tout de suite. Une fois qu'ils montent dans la voiture, une fois qu'ils sont dans la voiture, ou là, dans l'avion, ou là, dans le bus, ou là, dans le train, ils vont faire si c'est des communs, ils vont faire le dua du voyage ensemble. Jamais à Athènes, si certains ne le connaissent pas, etc. Et après, ils vont commencer à se réciter les 10 versets, les 10 surat du Coran à la fin. Les autres, ils vont, certains, selon le moyen comment il est, vont lire des hadiths sans expliquer. Juste, ils passent sur les hadiths comme ça. Et une fois qu'ils arrivent à la mosquée, qu'il aura été désigné par le centre et par les responsables du centre, de la région d'où ils sont partis, après avoir fait Tahiyat al-Masjid, ils vont se réunir pour ce qu'ils appellent Shura, entre eux, pour organiser les actes et pour distribuer les fonctions à tout un chacun pendant les 24 heures qui vont arriver. Et la distribution va être ainsi. Premièrement, إعداد الطعام ويقوم باثنين منهم أو ثلاثة. D'abord, préparer la nourriture. Ceci va s'en occuper une ou deux personnes. Deuxièmement, زيارة إمام المسجد ومركز الشرطة إذا كانوا في بلد إسلامي، أو القيادة إذا كانوا في قرية من قرى بلد إسلامي، وزيارة المهمين من أهل الحي. Donc deuxièmement, visiter l'imam de la mosquée. En général, هذا c'est l'émir qui va s'en occuper. Et aussi, s'ils sont dans un pays musulman, ils vont aller à l'arrondissement de la police pour se déclarer là-bas quand ils sont dans un pays de l'islam. Et ça, il n'y a aucun mal là-dessus. Ou alors, s'ils sont dans un village, ils vont aller au commandement de la gendarmerie pour se déclarer. Et après, ils vont visiter, ils vont prendre... Ils sont arrivés déjà avec une liste de noms et des plus importants du quartier ou là du village. Ils vont les visiter en premier. Et s'il y a un homme de science, ils vont aller le visiter, mais ils vont choisir parmi les grands. Ils vont lui poser aucune question. Ils vont lui faire des éloges, le saluer, lui offrir un quart d'eau et partir. Ils vont même pas lui dire qu'ils sont là. Talitan, Imarat Halqat Talim. Ils vont désigner l'émir de du cercle d'enseignement. Rabi'an, At-Talib bil Jama'a ba'da Salat al-Asr. Ils vont désigner celui qui va faire connaître le groupe à ceux qui vont prier Salat al-Asr à la mosquée. Khamisan, Dersul Asr. Après, ils vont désigner la personne qui va faire le cours de Salat al-Asr. Sadisan, ils vont désigner le sixième mois, ils vont Tadkir bi Adab al-Jawla. Sixième mois, ils vont désigner quelqu'un. Ils vont désigner aussi dans leur choura quelqu'un qui va faire le comportement de la promenade qu'ils vont faire dans le village et dans les quartiers et à travers les bâtiments. Septièmement, Dersul Maghrib, walladhi yasmunahu bil bayan. Septièmement, qui va faire, ils vont désigner la personne qui va faire le cours du Maghreb, celui qu'ils appellent bayan. Huitièmement, taminan, man sayqum bi darsil isha, wa huwa al-qira'a fi hayat as-sahaba, qui va faire. Huitièmement, ils vont désigner la personne qui va faire le cours de après Salat al-Isha, qui est quoi? Qui est le fait de lire dans Hayat Sahaba. Tasi'an, at-tadkir bi adab at-ta'am wa adab an-nawm. Kadhalika, ils vont désigner quelqu'un qui va leur rappeler le comportement à avoir pour le repas, pour la nourriture, pour le repas et le comportement que on doit avoir pour dormir, etc. Ashiran, mudakarat al-fajr. Ashiran, dixièmement, ils vont désigner celui qui va parler tout de suite après Salat al-Fajr. Et en général, il va parler autour de l'ici Sifat. وَيَنْتَضِمُ هَذَا عَمَلُهُمْ عَلَى هَذَا النَّحُ طِيلَةَ خُرُوجِهِمْ. Donc, leur travail va s'organiser autour de ça durant toute leur sortie. Maintenant, quand ils sont dans leur village, quand ils sont en résidence, ils ne sont pas en voyage, bah, il faut qu'ils assistent à la mâchoire hebdomadaire de la mosquée. Il y a la mâchoire qui se passe tous les 15 jours en ce qui concerne le centre de leur région. Et à la jaoula, aux promenades qu'ils font, la jaoula dans leur quartier, une fois par semaine. Il y a la jaoula qu'ils font dans d'autres quartiers. Ce qu'ils appellent l'intiqaliya, le maqamiya ou l'intiqaliya, la jaoula, la promenade dans la résidence où ils habitent, et la jaoula de déplacement qui se fait dans un autre village ou dans un autre quartier qui n'est pas le leur. Hein? Et aussi, réserver 2h30 pour être au service de la da'wah dans la mosquée, et aussi avoir un cercle d'enseignement dans sa maison qui se fait à travers Riyad Salihin et Hayat Sahaba. Et assister à tout ce qui se passe dans la mosquée quand il y a un groupe qui arrive, être un ansari, c'est-à-dire un allié, et venir même dormir à la mosquée, etc. Quand tu vois tout ça et le temps que ça demande, où est-ce qu'ils peuvent apprendre la science à l'islam? Comment? في الخروج مثلا بعد بيان الفجر يستريحون وبعدها يأخذون الفطور وبعدها يجتمعون على حلقة التعليم وتقتصر على تلاوة العشر صور الأخيرة من القرآن يشترك كل منهم في القراءة والاستماع ويتعلمون ويتعلم بعضهم الآذان وبعضهم وكذلك قراءة بعض الأحاديث النبوية خاصة في فضائل الأعمال من كتاب رياض الصالحين، وخاصة الأحاديث التي لها علاقة بالصفات الست بدون شرح، ولكن ينتظرون النور. ورياض الصالحين هو خاص بالعرب، والعجم يقرؤون من تبليغ نصاب لمحمد زكريا الكندهلوي خاصة للعجم. دونك اي اون خروج سافا سباسيون انسي. Après le bayan du Fajr, ils vont se reposer un petit peu. Et après, ceux qui s'occupent de la nourriture vont servir le petit déjeuner. Et vers le coup de 10h ou là un peu plus tard, selon la saison, bah, ils vont faire le cercle d'enseignement. Ce cercle d'enseignement va se faire tout simplement autour des 10 sourates. Et autour, et des fois ils apprennent l'adhan, des fois ils apprennent le salat ibrahimiya. Et autour de la lecture du hadith dans Riyad Salihin, quand ils sont des Arabes, et les hadiths qu'ils vont lire, ce sont tout simplement les chapitres qui ont rapport avec les 6 fondements de la Jama'a. Et ils ne vont rien expliquer. Il faut qu'ils attendent la lumière qu'il vient. Il faut yudat. Et pour les non-Arabes, bah, ils vont lire du Tbligh Nisab de Mohamed Zakaria Al-Kandalawi, dans laquelle il y a beaucoup d'histoires à dormir debout, beaucoup d'associationnisme et beaucoup de khurafat soufi. ها با كذلك. فأنت عندما يخرج الخارج 3 أيام، كم مرة تمر عليه الصفات الست؟ كم مرة يسمع من القصص المكذوبة على صحابة رسول الله؟ كم مرة يسمع من قصص لا تصح عن أولئكم الخيار، وقصص توحي بأنه لا بد من الخروج، والذي لا يخرج ليس بكامل إسلامه غير كامل كما سنرى. Maintenant on pose la question, frère, on Allah Azza wa Jal, quand ils sont dans le khuruj suivant ce programme, combien de fois ils parlent autour des sifat sit, et combien de fois ils entendent des histoires à dormir debout concernant les compagnons de Muhammad alayhi salam, et combien de fois ils entendent des histoires qui vont leur insinuer comme quoi celui qui ne sort pas fisabilillah, bah sa religion n'est pas complète. Sallallahu subhanahu wa ta'ala salama wa l'afiyah. Et je te ramènerai des exemples après. Talitan, at-tadarrub ala ilqa il-maw'idha bit'adad al-usul sitta, ou sifat sitt, lati marra dikruha ijmalan wa tafsilan. Et aussi, le troisième point, et ceci c'est le plus dangereux, parce que si apprendre aux gens l'audace et à dire n'importe quoi dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et des fois même, le premier qu'ils viennent de ramasser dans la rue, ils le mettent devant de la scène. Et c'est s'entraîner à faire des exhortations en citant les 6 fondements d'Al Jama'at Tablir, ou les 6 attributs comme ils les appellent. Et des fois, ceci pousse les jeunes à avoir de l'audace. Toutefois, un jeune qu'il vient de ramener, hein, il le met directement au devant de la scène. C'est même pas un entraînement, il n'a pas d'entraînement auparavant. Il le met directement au devant de la scène. Et ils lui disent, qu'est-ce que j'ai dit ? Raconte ta situation, comment t'étais. Pourquoi ? Pour appâtir les gens. Pour avoir la sympathie des gens. Pour que les gens se fassent avoir, ils disent, ah, ce sont des gens de bien, etc. Adam Skinny raconte n'importe quoi. Et il sort de sa bouche des fois de la mécréance. Il part en ignorance, Mskin. La faute, c'est ceux qui l'ont mis au devant de la scène. Ils l'ont pris comme ça, comme un pas, pour ramasser les autres, pour que les autres s'inscrivent. Rabi'an, tadarus adab wa usul jama'a wa hiya kattali. Aussi, on cercle parmi le khuruj, hein? Ils étudient les fondements de la jama'a, ils sont comme tali. Al-iltizam bi arba' ta'atul amir, al-ishtirak fi l'a'mal jama'iyya, al-sabr, al-tahammul, nadafat al-masjid. Ces quatre qu'ils discutent entre eux quand ils sont en cercle fermé entre les kharijines, qu'il faut s'en occuper, ils se cramponnent à ces quatre, et en général, beaucoup de fois, ils s'en cramponnent pas. Et je vous donnerai des exemples. C'est obéir à l'émir. C'est aussi s'associer aux activités du groupe, c'est être endurant et avoir de la patience et nettoyer la mosquée. كذلك من أصول الجماعة الاشتغال بأربع: الدعوة، العبادات، حلقة التعليم، الخدمة. وسي في بارتي دي فوندمون دو جروب سي دو فير سي كاتر اكت سو كومبوني ا سي كاتر شوز: الدعوة سولو لا فوا ديال التبليغ، لادوراسيون، اسيستي اوز اسيز دو لونسينمون، اي اتر او سيرفيس، يادير دون الخدمة. Que ce soit le khidma dans sa mosquée ou là quand il est le khourouj, être apte à travailler le groupe. Kadalika, min usulima taqlil min arba: al-ta'am, al-manam, al-kalam, waqt qada al-haja al-khassa. Et hada, il y a beaucoup de faux dedans. Aussi, diminuer quatre choses. Diminuer la nourriture, et ceci, c'est pas vrai. Tous ceux qui sont avec Tablir, on n'a jamais autant mangé que quand on est Fl-Khourouj. Et j'ai plein d'exemples autour de moi. Le manam, le fait de le sommeil, mais ceci, ce n'est pas vrai. Ils dorment beaucoup. Parce que quand on mange beaucoup, on dort beaucoup. Et ils disent aussi de ne pas de diminuer les paroles, mais ceci, ce n'est pas vrai non plus. Parce qu'ils parlent beaucoup et ils racontent des histoires. Et des fois, Allah al-Musta'an. Et j'en ai entendu des bonnes idées, pas mûres. Et aussi, ils disent qu'il ne faut pas trop gaspiller son temps à aller faire s'occuper de sa vie particulière et de ses affaires particulières. Subhanallah. Aussi, ils disent qu'il faut كذلك تجنب أربع: l'israf, l'ishraf, l'su'al, l'istimal milk al-ghayr illa bi'idnih. S'ils disent des choses, et tous ces quatre choses qui sortent, ils sont bonnes. Mais s'ils mettaient en application, ça serait encore mieux. Mais malheureusement, la réalité, c'est tout à fait le contraire. Ils disent l'israf, il ne faut pas gaspiller. Et quand on voit comment ils mangent, pas qu'il y a du gaspillage. Ce n'est pas interdit de manger. Mais il ne faut pas non plus dans ces cas-là dire qu'il faut éviter certaines choses. Et ils disent qu'il faut ne pas avoir l'israf, c'est-à-dire à montrer à quelqu'un que tu as envie de cette chose qu'il a dans ses mains. Et ceci, combien de fois ils ont agi ainsi, certains parmi eux agissent ainsi. Aussi, la question, ne pas trop poser de questions, ne pas trop demander de choses. Et aussi, la quatrième, c'est de ne pas utiliser la chose qui appartient à quelqu'un sans son ordre. Il y a beaucoup de choses qui sont bien là-dedans. Mais s'ils le mettaient en application, malheureusement. كذلك من الأصول التي عندهم الخوض في أربع مسائل: لا يخوض الإنسان في المسائل الفقهية والمسائل السياسية وأوضاع الجماعات الأخرى والجدال. وأوضاع الجماعات الأخرى هذا غير صحيح، لأنهم يحدثون بعضهم بعضا مما يسمونه بالفكر الآخر، وخاصة من السلفيين. يسيل ديز الفوبا non plus rentrer dans ce sujet, éviter de rentrer dans ce sujet, et non pas discuter autour du sujet, à savoir les sujets d'Yal Fiqh et les sujets politiques, et de parler sur les groupes et de polémiquer. 4 points. Et le fait de parler sur les groupes, ceci n'est pas vrai, parce qu'ils avertissent contre tous les autres groupes, et ils disent ce sont l'autre pensée, le Fiqh al-Akhar. Et surtout, des salafis maintenant. Ils n'arrêtent pas. Maintenant, sur les salafis, ils n'arrêtent pas les critiques. Plus les 6 fondements qu'ils ont, tu as tous ces 4 auxquels il faut se cramponner. Combien de 4 hadou? 4 fois 4. Fa kadalika yaqulun 'inda ziyarati al-hukam tubayyin lahum al-ahwal nashat الجماعة، وعندما تزور العلماء تطلب منهم فقط الدعاء، والمتثقفون لا يدعون بإلحاح، ويركز في الدعوة على العوام. وسي une chose qui est particulière ces jamaat tablir, c'est quand ils visitent le responsable de la police ou de la gendarmerie dans un pays musulman, il lui explique les activités du groupe tout simplement. Et après, quand ils visitent les hommes de science, ils leur ont demandé tout simplement d'offrir un cadeau aux hommes de science et de demander à l'homme de science de leur faire dua. Contre les intellectuels, il ne faut pas les inviter Alors assise avec insistance. Faut juste, sans y insister, il ne faut pas y insister. Mais il faut appuyer sa da'wa sur l'awam. C'est pour ça que tu vois, quand tu vois la pyramide chez en France maintenant, la da'wa qui concerne les jeunes et les intellectuels en France, c'est l'ikhwan. Et la da'wa qui concerne l'awam, à travers la France et à travers l'Europe, le c'est tablir. Regarde dans leur réunion, regarde dans leur assise, il t'a tout de suite compris. Taniyan, ba'da salati d-dhuhr, يتولى أحدهم تعريف المصلين بأهداف خروجهم وأنهم جاءوا من بلاد وقبائل ومهن شتى لا يريدون غرضا أو بعد صلاة العصر ها ولا يريدون غرضا دنيويا وإنما زاروهم لله ولدين الله راجين منهم أن ينصرونهم في هذا السبيل وبعد التعارف يكون الغداء والراحة. Deuxièmement aussi, selon l'heure ils sont arrivés, s'ils sont arrivés le matin, il y a toujours quelqu'un qui va leur ouvrir la porte, parce qu'ils arrivent toujours dans un endroit où il y a quelqu'un qui fait partie du groupe. Hein? Donc, il l'appelle à l'avance. Et ce quelqu'un, il le sépare son centre à l'avance. Donc, il y a toujours quelqu'un qui les attend, même s'ils arrivent au petit matin. Donc, s'ils arrivent avant le tour, ben, après, ils vont s'occuper à préparer le repas. Et après... Tu entends, Akhi, barakallahu fik. Tu as toujours le son? Barakallahu fik. Donc, ici, ils arrivent avant d'or, l'équipe du repas va s'occuper du repas, après le mashwara, et les autres ils vont faire l'enseignement jusqu'à l'arrivée, lire dans Riyad Salihin, ou Tbilighi Nisab, jusqu'à l'arrivée des gens. Quand les gens vont arriver, ils vont faire la prière d'Yal Dor. Soit quelqu'un va lire Riyad Salihin et après il va faire connaître le groupe et pourquoi ils sont arrivés et de combien de nationalités, d'où ils sont arrivés, etc. Et leur but, etc. Et après avoir fait la connaissance avec les gens de la mosquée, ils vont servir le repas et ils vont se reposer. Talitan, ba'da salat al-asr, yulqi ahadum maw'ida qasira, yahutu fi al-musallin ala al-ishtiraki ma'al kharijin fi ziyaratin khassa. Donc après Salat al-Asr, il y a un qui a été désigné dans le Mashwara pour faire une petite exhorte très courte pour inciter les gens du quartier et de la mosquée à être avec eux pour faire des visites particulières à des gens dans leur maison ou là pour faire des visites générales et rencontrer les gens dans les rues et en bas des bâtiments. Rabi'an, qabla al-Maghrib bisa'a, يجتمع الخارج للاستماع إلى أدب الجولة العامة هذا حسب الفصول ويختار منهم أميرهم ويختار منهم أميرهم جماعة أو أكثر للتجوال للتجول على الناس في الأماكن العامة الشوارع أو المحلات التجارية أو المقاهي أو النوادي ودعوة ما يلقونه إلى المسجد بعد تذكيره بغاية وجوده ومستقبله الأخروي ويعين من بينهم أميرا ودليلا ومتكلما ويبقى واحد منهم منعزلا يسمونه الدينامو في المسجد لإنجاح الدولة ولإنجاح الجولة ولبعث النور في الجولة وآخر يبقى لاستقبال المستجيبين وثالث مع بقية الخارجين في تلاوة فضائل الأعمال. دونك quatrièmement, après salat, avant salat al-maghrib d'une heure, et ceci selon les saisons. C'est soit après salat al-asr directement, soit un peu avant salat al-maghrib, selon la saison. Hein? Ils se réunissent ceux qui sont sortis, et les volontaires parmi le quartier se réunissent, et ils vont commencer à se diviser, à se constituer en groupe, pour aller faire le jaoula, privé ou la publique. Et dans ces cas-là, l'émir va désigner les groupes. Et alors peut-être il va y avoir un guide qui fait partie des gens du quartier. Et il va désigner aussi quelqu'un qui va parler aux gens qu'il rencontre. Et il va désigner quelqu'un, un émir pour ce groupe, pour chaque groupe. Donc ils vont partir comme ça. Et à la mosquée, on va laisser une personne qui va être le dynamo, qui va envoyer la lumière, il l'appelle ainsi, le dynamo du groupe, qui va envoyer la lumière pour que le groupe, la jaoula et la promenade puissent réussir. Ils vont laisser aussi certaines personnes, une personne qui va s'occuper à accueillir ceux qui ont répondu à l'appel de la jama'a, qui se sont dirigés vers la mosquée. Et un certain nombre de ceux qui sortent vont rester dans un coin de la mosquée à lire Fada'il Amal, les vertus d'Oriyad Salihin, où ils sont ajam, dont Tbligh Nisab, dans un coin. Et chaque fois que quelqu'un arrive, on va l'orienter vers ce cercle-là dans lequel sont lits Fada'il Amal. Donc, frère en Allah, Azzawajal, tu vois aussi dans ça. Là, et quand ils sortent pour faire Zidjaoula, bah, tu le vois tout de suite, ils se mettent en groupe et à faire un dua en groupe pour ramener la lumière et la bénédiction dans le village dans lequel ils sont. Et le dua, jamais atteint, il n'est pas permis de cette façon-là. Hein? Et ça ne fait pas partie de la voie d'une puissance d'Allah Alim. Donc cet appel à cette dawa, à sortir, à faire dawa, déjà il commence avec quoi quand on sort de la mosquée? Avec une innovation. Et aussi ce dynamo qu'il laisse à la mosquée, bah, ils misent tout sur ce dynamo. Ça veut dire que maintenant, s'ils se font, comme ils le racontent dans leurs histoires et dans leurs hidayat, s'ils se font insulter dans la route, où la personne ne le rappelle, personne ne veut les écouter, l'émir de cette jama'a revient à la mosquée, bah, ils attribuent tout ça souvent à celui qu'ils ont laissé comme dynamo à invoquer Allah. Parce que cette personne a délaissé le fait d'invoquer Allah, il a été lavé ses vêtements, ou là il s'est couché, etc. Donc tout ce qu'ils ont reçu, et que les gens ne leur ont pas répondu, ils vont le mettre sur le dos de ce dynamo. Hein? Enfin, regardez combien de choses ne sont pas de la religion de Allah, Azzawajal, sont dans ce khourouj. Et combien d'histoires se sont racontées sur ce dynamo. Hein? Et vous, il n'y a aucun problème que vous en avez entendu des belles, des bonnes et des pas mûres. Hein? Cela prouve que tout est basé sur n'importe quoi, à l'islam. Ce n'est pas basé sur la sunna de Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce que ça, cette façon de faire et de diviser les tâches, c'est une façon qui a été chez les puiseurs d'Allah alayhim? Est-ce que les ignorances sont sorties pour faire da'wah ila Allah? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal. Et il a dit de Mu'ad ibn Jabal que c'est le plus savant de la communauté au niveau du halal et du haram. Hein? Et quand Hada Younes, leur cheikh, est venu me voir dans la mosquée où j'étais imam dans le nord, il a dit, hein, est-ce qu'il faut qu'on apprenne Tirmidhi ou le Bukhari? Hein? Sahaba n'avait pas Tirmidhi, le Bukhari, etc. Mais il ne savait pas, le pauvre, que l'origine d'Yel Tirmidhi, d'Yel Bukhari, ce sont Mu'ad ibn Jabal, Yabi Huraira, Yabu Bakr, Yabu Uthman, et Ali, et Mu'awiya, et Khadija, radiyallahu anhu, majma'in. Et à tel point on est. Et ça, c'est la tête. Qu'est-ce qu'il en est des pieds? Qu'est-ce qu'il en est des communs? Et ceux qui sont au bas de l'échelle. Khamisan, ba'da salatil maghrib mubasharatan, yu'linu ahadoum anil maw'idha al-ra'isiyya. بعد صلاة النافلة بالصيغة التالية نجاحنا وفلاحنا باتباع أوامر الله وعلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بعد السنة الراتبة تسمعون إلى كلام بالتفصيل في الدين والإيمان. Et vous l'avez entendu souvent, hein, dans vos mosquées, après la prière d'Al Mughrib, directement, il n'a même pas fait ses invocations, il se lève une personne, hein, avant l'exhorte principal, il dit après une nafila. Et si la mosquée, on lit le Coran, jama'at, elle dit après Qira'at al-Hizb. Hein? Au lieu d'enseigner aux gens que Qira'at al-Hizb ne fait pas partie de la sunna. Non, après Nafila, après Qira'at al-Hizb. Sachez que notre réussite et notre bonheur dans ce bas monde et dans le-delà, c'est le fait de suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal selon la voie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Et après sunna, inshallah, restez avec nous pour écoutez les paroles en détail sur la religion et la foi. Ainsi, au lieu que la personne qui va faire tout ceci après sunna, il se lève, il fait khutbat al-haja et il commence. Non, d'abord il faut une introduction à innover. وبعد النافلة يتكلم أحدهم في نطاق الأصول ستة أو الصفات الست مثيرة العاطفة والغير الدينية، مستعينا ببعض الآيات والأحاديث الضعيفة غالبا، والقصص الإسرائيلية غالبا، والقصص المصنوعة في مصنع التبليغ. Donc, et après Nafila, s'il n'y a pas le hizb dans cette mosquée, un parmi eux va se lever, il va commencer à faire son bayan, il va parler en partant des sifat tout simplement. Il va essayer d'exciter le sentiment des gens et réveiller en nous l'amour de la religion, etc. En s'appuyant sur des versets, en général il tord le sens des versets, et sur des hadiths des fois faibles, et souvent faibles, et des fois des histoires à dormir debout. Ce soit des histoires qui viennent de Banu Israël, ou là des histoires hein, qu'ils ont inventées, qui sortent directement de l'usine d'El Tbilir. Une que j'ai écoutée, et il est trop grave. Il y a un qui est venu des Comores, et il est venu dans une mosquée du Nord, et je suis resté dans la mosquée et j'ai écouté. À un moment donné, il dit, pour montrer les vertus et la valeur du compagnon de Mohammed alayhi salam, un jour, Bilal n'est pas venu faire Salat al-Fajr, il est venu en retard. Et quelqu'un a fait la dan, et leur dit, le shuruq est arrivé, le soleil ne s'est pas réveillé. Et à ce moment-là, Bilal rentre à la mosquée, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, va Bilal, refais la dan. Et au moment où Bilal fait la dan, le soleil se lève. Tout le monde qui était dans la mosquée parmi les anciens d'El Tbilir, ils ont dit Allahu Akbar. Ils croyaient que ça c'est une vertu de Bilal. Mais en réalité c'est un dénigrement du Bilal. Et c'est une façon de confirmer que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam confirme le blâmable et le mal. Depuis quand le soleil se lève pour la dan de Bilal? Et depuis quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam va dire à Bilal que refais la dan? Alors que la prière était faite déjà, dit al-Salat. Vous vous rendez compte de l'énormité? Alors que tous ces anciens, ils étaient là dans la mosquée, étaient à moitié pleins. Tout le monde, Allahu Akbar. Pourquoi ils disaient Allahu Akbar? Ah, Bilal, il a une grande vertu. On sait que Bilal, il a une grande vertu. Mais on n'a pas besoin de ces histoires à dormir debout. On n'a pas. Depuis quand? Comment vous le savez qu'il n'est pas venu faire Salat al-Fajr? Qui vous l'a conté? Donc, quel recueil de hadith vous l'avez? Et regardez ce mal qu'il confirme, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ah vas-y. Et après le bonhomme, il dit, et à ce moment-là, le soleil se levait. Comme si le soleil se lève pour la dinde de quelqu'un. Le soleil se lève par l'ordre d'Allah. Il se couche par l'ordre d'Allah. Le soleil, comme toutes les créatures, il obéit aux ordres d'Allah, azza wa jal. Et ces histoires-là, malheureusement, on les entend dans un milieu, même des fois des gens qui ont le bac plus 5 gobent ce genre d'histoire. Ils eux-mêmes racontent ce genre d'histoire parmi leurs disciples. Hein? Sallallahu subhanahu wa ta'ala salam wa al-afiyah. Sache frère en Allah, azza wa jal, on n'a aucune haine contre le tablir ni contre qui soit. Mais l'essentiel c'est la religion. Qu'est-ce qu'on veut de cette religion? Il est de notre devoir de défendre cette religion. Hein? On veut le bien pour tout le monde. On veut le bien pour tout le monde. Mais qu'on arrête de raconter n'importe quoi sur la religion d'Allah, Azza wa Jal. On n'a aucune haine contre qui que ce soit. Mais il est de notre devoir de tout un chacun de défendre la religion d'Allah, Azza wa Jal. De ne pas accepter le blâmable et le faux qui se raconte au nom de la religion et au nom de la da'wah vers Allah, Azza wa Jal. Wa yukhtamu d-dars bil hadaf al-asasi la wa huwa madha التشكيل والتشكيل معناه عند البدو وعند البدو المغاربة أنه أن تعقد رجلي الفرس بحبل الأمامية مع الورائية حتى لا يهرب فهذا هو التشكيل في لغة المغاربة هل يريدون بهذا ذلك؟ الله تعالى أعلى وأعلم ويعنون به دعوة الحاضرين وتسجيل المستجيبين منهم للخروج في سبيل الله وبالدعاء الجماعي. Donc, et à la fin de ce cours, qu'est-ce qui arrive souvent? Il se termine par le but principal, qui est tashkil, qui est le fait tashkil, tu sais ce que ça veut dire dans le dialecte marocain et dans le dialecte maghrébin, chez les éleveurs d'animaux, ça veut dire attacher le mulet au l'âne ou le cheval pour qu'il apprenne à marcher, tu lui mets une chaîne dans le pied de droit de devant et tu l'attaches avec le pied de droit de derrière. Comme ça, il ne se sauve pas et qu'il ne tape pas avec le dos. Hada si tchkil. Et ce qu'ils veulent avec ça, c'est ça ce qu'ils veulent. Allahu ta'ala alam. Mais en tous les cas, vous voyez, ce terme tchkil, qu'est-ce qu'il veut dire tchkil pour eux? C'est d'inscrire les gens pour le khuruj. Et quand ils voient que ça n'arrive pas, tu vois les anciens parmi eux, ils se lèvent et disent, moi, je m'inscris 4 mois. L'autre, il dit, moi, comme ça, ils excitent les autres à y aller. Hein? Et ils disent, hein, pour culpabiliser les gens, ah, cette feuille, tu es inscrite, il sera témoin pour toi le jour de la résurrection. N'oublie pas que tu dois exaucer cet acte pour lequel tu t'es inscrit. Et il termine ce tchkil par un dua jama'i, par un dua collectif. Fansallah subhanahu wa ta'ala salama wa l'afiyah. Sadisan, ba'da salat al-isha, يقرأ أحدهم قصة أو أكثر من كتاب حياة الصحابة لمحمد يوسف الكندهلوي بقصد لا يستكثر الدعاة جهدهم ونفقتهم ولحثهم على بذل المزيد. دونك septièmement, celui qui est désigné après salat العشاء va lire حياة الصحابة, une histoire de حياة الصحابة. Pourquoi ils disent, pourquoi le but, pourquoi les personnes qui ont fait des efforts ne se fassent pas avoir par Shaitan, hein, et qu'ils ne soient pas imbus d'eux-mêmes, hein, et qu'ils ne soient pas, et qu'ils, que les dépenses qu'ils ont faites, qu'ils ne se fassent pas avoir par Shaitan, hein, qu'ils ne soient pas imbus d'eux et qu'ils ne croient pas qu'ils ont fait quelque chose d'énorme pour la religion d'Allah Azzawajal. Et Hayat Sahaba, frère en Allah Azzawajal, il est de Mohamed Youssef al-Kandahlaoui. Il est particulier pour les Arabes. Et il est plein d'histoires à dormir debout et des hadiths faibles. Et il n'est pas permis de le mettre entre les mains des awam, qui ne savent pas faire la part des choses, qui ne savent pas faire la part du hadith faible et du hadith non avenant, et de l'histoire à dormir debout, les histoires montées de toutes pièces. Wa qama ba'du ahlul ilm bi tahqiq hayat as-sahaba والاقتصار على الصحيح منه إلا أن ذلك أتار التبليغيين ووصفوا من فعل ذلك بأنه يريد أن يدمر الدعوة. وقد وصلت بعض النسخ المحققة إلى مركزهم في الأردن, فقام إمام المركز إمام المصلين وتكلم بكلام يذم فيه هذا الصنيع ويتعم من حققه بتهم ما أنزل الله بها من سلطان. فأنت تعرف خير أخي كما ذكرناه من قبل أن حياة الصحابة مملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والقصص المخترعة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et certain nombre de sciences ont authentifié ce livre. Ils ont laissé de ce livre un seul tome, au lieu que ce soit trois, et ils ont laissé que ce qui est authentique. Et ceci a excité la jalousie et la haine des tablighines, et un de leurs imams en Jordanie s'est levé et il a commencé à blâmer cet acte, le fait d'avoir authentifié ce livre. Et il a accusé celui qui l'a authentifié d'accusations qui sont injustes. Et ils ont dit de lui comme quoi il veut détruire la da'wa vers Allah Azza wa Jal. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية يا إخوة الإسلام. سأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على منهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم, وأن يحفظنا من البدع ما ظهر منها وما بطن. فخيرنا الله عز وجل سابعا يذكرهم واحد منهم أو أكثر بأدب الطعام والنوم قبل انصرافهم إليهما, وبما وربما ذكروا في هذا الوقت وغيره بأدب المسجد وأدب الغسل. Septièmement, avant qu'ils aillent manger ou là avant qu'ils aillent se coucher, un de leurs, celui qui est désigné, va leur rappeler le comportement du sommeil ou là le comportement de la nourriture, et peut-être aussi va leur rappeler le comportement de la mosquée et le comportement comment faire pour se purifier pour le ghusl si il leur arrive un accident durant leur khourouj. Taminan, قد يقتسمون ساعة الليل في التهجد ويختلف جهدهم باختلاف أفرادهم, ولكن على الجميع الاستيقاظ قبل نصف ساعة على الأقل من أذان الفجر لقيام شيء من الليل وصلاة الصبح. في huitièmement, ils vont, certains groupes selon leurs capacités, selon les émirs qu'ils ont avec eux, ils vont se diviser en plusieurs groupes pour faire qu'il y ait un qiyam al-layl dans la mosquée toute la nuit. Un qui se réveille là, mais en général, il se réveille une demi-heure avant salat subh. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que certains font qiyam al-layl jama'atan en dehors de Ramadan aussi. Tasi'an, بعد الصلاة يحدثهم أحدهم عن عظمة الله وعن الدار الآخرة ويتدارسون الأصول الستة والصفات أو ويعيدون و donc et neuvièmement après la prière ديال الفجر certains parmi eux un parmi eux qui a été désigné va se lever va leur rappeler le delà va leur parler de la souveraineté d'Allah عز وجل de l'unicité ديال الربوبية et il va parler ديال الأصول الستة et il va les répéter hein. C'est ce qui a fait pousser l'un de leurs grands à dire que cet acte, que ces actes, cette dawa est sur la sunna, c'est qu'on la termine avec Hayat Sahaba, dans lequel il y a les vertus et les attributs de Hayat Sahaba, et on la commence avec Sifat Sift, hein, dans le Bayan d'Yal Fajr, et il dit ça, ça ressemble à Sunnat al-Fajr. Subhanallah, regardez où est-ce qu'ils vont. Regardez. Hein, parce qu'ils terminent leur journée avec Hayat Sahaba, dans lequel il y a Sifat Sahaba, et parce qu'ils commencent leur journée après Salat al-Fajr avec Sifat Sitt dans le Bayan, bah ceci ressemble à la Sunna du Prophète alayhi salatu wasalam, et ça fait partie de la Sunna parce que c'est identique à Salat al-Fajr. On commence Salat al-Fajr avec Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, et on a terminé sa nuit avec le witr dans lequel on termine avec Qul huwallahu ahad, et dans Shuf dans lequel il y a l'A'la et Qul ya ayyuhal kafirun qui se répète. Regardez les analogies, les fausses analogies, comment ils font. Subhanallah. Et ça, c'est l'un de leurs grands à Marseille. Il l'appelle, je crois, Dridi. C'est plus de 20 ans qu'il est dedans. Et je l'ai entendu de sa bouche directement. Ashiran. بعد انتشار الشمس يصلون صبحات الضحى ويتناولون طعام الإفطار وينالون قسطا من الراحة حتى الساعة التاسعة تقريبا أو أكثر وحيث يجتمعون لحلقة جديدة من التعليم والتشاور في الأعمال 24 ساعة القادمة. Donc deuxièmement, le lendemain après salat al-fajr, soit ils prennent le petit déjeuner directement, soit ils vont se reposer. Une fois qu'ils prennent le petit déjeuner, ils vont se réunir pour une mâchoire pour décréter et pour désigner les personnes pour les actes qu'ils vont faire durant les 24 heures qu'ils vont accueillir. Hein? Soit ils se réunissent directement sur Halakat Talim. Fa hikayat had al madhab, hikayat kayfiyat al manhajuhum wa tariqatuhum, hada tubayyin laka butlan hada al manhaj. تقسيمهم للعلم وترتيبهم لهذا التقسيم. Donc le fait, quand tu sais leur fondement et ces choses sur lesquelles est basée cette voie, ça te montre l'annulité et comme quoi cette voie est loin de la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. Et le fait qu'ils divisent la science des vertus et la science de la jurisprudence, ceci est une division qui est non avenante. فأخوة الإسلام لعله أنا أقف عند هذا الحد إن شاء الله لا باقي الحد إن شاء الله أزل. فتقسيمهم هذا يدلك فهذا ترتيبهم وهذا تقسيمهم للعلم. أولا يقسمون الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحض على العلم وطلبه وتبين شرفه ومنزلته عليه عامة ليس فيها إشارة أو إيماء إلى هذا التقسيم. Premièrement, pour que tu te rends compte que cette division qu'ils ont au fait de diviser les sciences en deux parties, la science des vertus et la science de la jurisprudence et de la législation, il n'y a pas de preuve dans les versets de Allah Azza wa Jal ni dans les authentiques du hadith du prophète alayhi salam qui montrent qu'il faut diviser la science, cette division, la science des vertus et la science des sentences et de la législation et du sujet de la jurisprudence. Taniyan mimma yubayyin laka butlana hada at-taqsim kullu sha'iratin min sha'air ad-din laha ahkam wa fadha'il bayyanaha ash-shar' فلا يجوز سلخ الحكم عن الفضيلة لأن الفضائل تمار للأحكام الشرعية فلا يحوز الفضائل إلا من أدى الشعائر كما شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, frère de Allah, Azza wa Jal, chaque emblème de cette religion et chaque acte qui s'accomplit de cette religion il a des vertus, il y a des sentences, il a des lois dedans. On n'a pas à les diviser. On n'a pas à prendre les vertus et laisser les sentences et les lois de ce chaïr, de cet emblème de la religion. Car les vertus, ce sont les fruits de la sentence de la législation. Il ne peut pas avoir les vertus de cet acte que celui qui l'a accompli, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré, et comme l'a montré le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. وإليكم هذا البيان يقول عثمان بن عفان في الصحيح في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم بعدما بين للصحابة رضوان الله عليهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره وجاء نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب والحديث أخرجه الإمام مسلم. Donc, voici maintenant, regardez maintenant, Uthman ibn Affan de nous dire dans ce qui est rapporté par l'imam muslim. Rahimahullah ta'ala, du prophète alayhi salatu wasalam, qui dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a fait le dos, qui l'a perfectionné. Comment tu peux perfectionner le dos si tu connais que les vertus de le dos? Si tu n'apprends pas comment il est le dos? Si tu ne mets pas en application le hadith de Humran, le serviteur de Uthman ibn Affan, d'où il y a la description de le dos? Il a dit dans ce hadith, celui qui fait le dos, qui le perfectionne, ses péchés, ses erreurs vont sortir. Ainsi a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Ses péchés vont sortir de son corps comme sort, comme tombe la goutte d'eau de ses ongles. Et dans l'autre hadith d'Abu Huraira qui est rapporté par l'imam muslim aussi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un fait le dos, quand le croyant fait le dos, il lave son visage et il va sortir de son visage toute erreur qu'il aura commis avec ses yeux, avec l'eau qui goutte et avec la dernière des gouttes qui va tomber. Et quand il lave ses mains, il va tomber de ses mains toutes les mauvaises choses qu'il aura fait avec ses mains, avec la dernière goutte qui tombe de ses mains. Et quand il lave ses pieds, la même chose, jusqu'à ce que l'être humain reste propre. يا أخي الإسلام يجب أن تعلم أن هذه الفضيلة الجليلة لا ينلها إلا من توضأ كما أمره الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبق صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وإليك البرهان إشاس فخيرون الله عز وجل que ces vertus qu'il y a dans ces deux hadiths ne peut les avoir que celui qui a accompli le dos de Muhammad عليه الصلاة والسلام le dos comme l'a ordonné Allah et comme nous l'a enseigné Muhammad عليه الصلاة والسلام et voici l'éclaircissement. Il nous a été rapporté. ورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه شرط وهو إحسان الوضوء وهذا الشرط ورد أيضا في عدة أحاديث أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينتقص ذلك من أجره شيئا رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح وحديث عقبة بن عامر وحديث أبو عامر وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليها بقلبه ووجهه وجبت له الجنة وورد من حديث زيد ابن خالد الجهني وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهما وهذا الإحسان لا يكون إلا كما أمر الله كما ورد مفسرا في عدة أحاديث صحيحة من أحاديث أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه فهون الله عز وجل savoir que ces vertus on peut les avoir qu'en faisant le dos comme il se doit, qu'on ramène la perfection, c'est l'une des conditions. Une perfection dans le dos. Et cette perfection, il est dans beaucoup de hadiths. C'est dans beaucoup de hadiths. Notamment dans le hadith d'Abu Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, il dit, celui qui fait le dos, qui le perfectionne. et qu'il part à la mosquée, il trouve que les gens ont déjà fait la prière, il aura la même récompense que ceux qui ont prié sans diminuer de leur récompense. Hein? Et le hadith de Uqba ibn Amir qui dit, et le hadith de Abu Huraira, il est chez Abu Daoud, chez Nasaï, il est authentique à l'islam. Et le hadith de Uqba ibn Amir, que Allah subhanahu wa ta'ala l'a gré, il dit que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui perfectionne le dos et qui fait durkat et qui est concentré dans ce durkat, il aura le paradis. Et le hadith, il est rapporté par Nasaï, c'est un hadith authentique. Et le hadith du Zayd ibn Khalid al-Juhani, ibn Omar et d'autres, que Allah subhanahu wa ta'ala les a gré. Enfin, la perfection ne peut être que comme le veut Allah, comme l'a ordonné Allah azzawajal, et comme il a été expliqué dans les hadiths authentiques, comme le hadith d'Abi Ayyub al-Ansar radiallahu anhu, il a dit, j'ai entendu le prophète d'Allah azzawajal dire, celui qui fait le dos comme il lui a été ordonné et il prie comme il lui a été ordonné, c'est-à-dire il prie comme le prophète alayhi salam l'a fait, il fait le dos comme le prophète alayhi salam l'a fait, bah il lui sera pardonné ce qui est passé auparavant parmi ses péchés. Ici, il s'agit bien sûr des petits péchés. Le hadith, il est rapporté par Nasa'i ibn Maja et par Ibn Hibban, et c'est un hadith hassan. Moi, je vais Wa'amara Rasul sallallahu wa'amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu ajwada bayan وفصله أحسن تفصيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث من أحاديث عثمان أنه دعا بوضوء فذكر صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث من توضأ مثل وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيها نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. الله سبحانه وتعالى a ordonné de faire le dos comme il se doit. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé comme il se doit cet dos. Et comme il est rapporté dans beaucoup de hadiths, fait partie de ces hadiths, le hadith de Uthman, ibn Affan, radiallahu ta'ala, que rapporte de Uthman, Himran, le serviteur de Uthman, il a demandé de l'eau pour montrer aux gens la description de l'eau du prophète, alayhi wa sallam. Il a dit à la fin du hadith, celui qui fait un dos comme mon dos, et qui va prier d'orkat et qu'il est concentré dans ses d'orkat, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait le dos comme j'ai fait le dos. فأخذ الإسلام هنا تعلم أن الحصول على الفضائل والوصول إلى الدرجات العلى لا يتم إلا بسلامة التوحيد وصفاء العقيدة والإخلاص لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر، وهذا لا يكون إلا بالتفقه في الدين. وقد تقدم بيان أن التبليغيون صوفيون، أن مشايخ التبليغيين صوفيون غلاة، وما تريدون أجلال وحنفية المتعصب تعصبة، وكل هذه عواقب بينهم وبين صفاء العقيدة، بل إنهم يؤدون صلواتهم عند القبور، فكيف ينالون الأجور؟ نفهم الله عز وجل. Pour avoir les vertus, faut savoir, on peut arriver aux vertus au grand degré et grande récompense qu'avec une aqida saine et avec un monothéisme épargné d'associationnisme et avec une aqida claire et avec une sincérité pour Allah Azza wa Jal. Il y a un suivi aveugle du prophète alayhi salatu wassalam. Et il est passé avec nous que le mashayikh de la da'wa tablighiya, ce sont des soufis extrémistes dans le soufisme. Ils sont maturidis. Hein, ils sont hanafis sectaires. Et tout ça, ça fait, c'est des obstacles. Ce sont des obstacles contre le fait d'avoir une aqida authentique. On a vu quand même, ils font leurs prières dans des tombes, dans des mosquées où il y a des tombes. Leur centre, Dioband, Hada, Rewand, Adilhi, en Inde, il y a quatre tombes dedans à l'islam. Cheikh Rabi' les a vus. Et d'autres mashaïrs, parmi leurs mashaïrs, hein, qui se sont repentis, et parmi leurs anciens, l'ont reconnu à l'islam. Et beaucoup de jeunes de France le reconnaissent. Enfin, Inch'Allah, on va arrêtez là, Inch'Allah. Je donne rendez-vous, Inch'Allah, si je trouve le moyen, dimanche, à la même heure, hein, pour continuer un petit peu. Comme j'ai dit aux frères, Inch'Allah, on voit ces parce qu'il me reste encore peut-être 5 séances pour pouvoir terminer le livre d'Yel Cheikh Najmi, si on peut le faire après Salat Tarawih durant le mois de Ramadan, Inch'Allah, ces 5 séances avant d'attaquer une belle risala du Cheikh Abdelmalik Ramadani, qui est le but, et on le fera après Tarawih toujours, qui est le but de Surat Al-Baqara, Inch'Allah, Obi'idnillah. Parce que c'est le mois de Ramadan, et il est très important, cette risala est très importante, et il nous montre les buts de cette surah énorme qui est Surat Al-Baqara. Il faut qu'on en profite durant ce mois de Ramadan à se pencher sur le livre d'Allah Azza wa Jal. Fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsallahu likum wa jazakumullahu khairan.